Nuit de neige. La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. Pas un bruit, pas un son. Toute vie est éteinte. Mais on entend parfois, comme une morne plainte, quelques chiens sans abri qui hurlent au coin d'un bois. Plus de chansons dans l'air. Sous nos pieds, plus de chaume. L'hiver s'est abattu sur toute floraison. Des arbres dépouillés dressent à l'horizon leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. La lune est large et pâle et semble se hâter. On dirait qu'elle a froid dans le grand ciel austère. De son morne regard, elle parcourt la terre. Et voyant tout désert, s'empresse à nous quitter. Et froid tombe sur nous les rayons qu'elle darde, fantastique lueur qu'elle s'en va semant, et la neige s'éclaire au loin sinistrement, aux étranges reflets de la clarté blafarde. Oh, la terrible nuit pour les petits oiseaux! Un vent glacé frissonne et court par les allées. Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. Dans les grands arbres nus que couvre le verglas, ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège. De leur œil inquiet, ils regardent la neige, attendant jusqu'au jour, la nuit qui ne vient pas.